dans le club, club, club. Fais péter les tailles, tailles, tailles. Au peu pour l'sbel. Habib petit j'ébirais, tailles, tailles, tailles. Ouais, j'la mise, oh j'veux lisse. Toi j't'ai capté d'entrée. Tout le monde la coste, coste. Piste moi sans gloss, gloss. Sa démarche nous rend tous tarés. Y'a rien qui s'termine. Elle me fait tourner la tête et tout ça m'a donné le tournis. Y'a rien qui se termine, la dégaine du turfu, elle visque toutes les vermines. Ce qu'elle veut c'est les love, love, love. Elle s'en fout que tu sois beau, beau, beau. Ce qu'elle veut c'est rien que les love, love, love. Pour aller step de tomber love, love, love. Posé dans le club, club, club. Fais péter les tailles, tailles, tailles. Poupé pour l'sbel. Habib petit j'ébirais, tailles, tailles, tailles. Posé dans le club, club, club. Fais péter les tailles, tailles, tailles. Poupé pour l'sbel. Habibti j'ébirais, tay, tay, tay. Merco sport chromé, semelle rouge, symbole manager élevé. Elle t'a pas donné l'heure juste pour zoner. Mais plier ta carte bleue et te michetonner. Weary, ya weary, ya weary. Tous ces ex, cette Lisa et Miri. Ya weary, ya weary. Et toi tu veux pas que ça se termine. Ce qu'elle veut c'est les love, love, love. Elle s'en fout que tu sois beau, beau. Ce qu'elle veut c'est rien que les love, love, love. Pour aller steak de tomber love, love, love. Posé dans le club, club, club. Fais péter les tailles, tailles, tailles. Poupé pour l'sbel. Habibti j'ébirais, tailles, tailles, tailles. Posé dans le club, club, club. Fais péter les tailles, tailles, tailles. Poupé pour l'sbel. Habibti j'ébirais, tailles, tailles, tailles. Habibti. Yeah, yeah. Arwah j'ébirais.